Bonjour amis Lyon, on va regarder pour vous quel est le message de l'oracle de Béline. Donc pour le mois de mars 2023. Alors, tiens, tiens, tiens, on dirait qu'il y a un bonheur qui vous tombe dessus. Bon, ben ça c'est toujours très agréable comme coupe. On va regarder. 1, 2, 3, 4. 5. Alors on avait un bonheur qui vous tombe dessus. Bon là j'ai la solution. Alors ça parle d'un contrat, d'un engagement. Ah oui, peut-être. Alors j'ai l'impression que par rapport à un contrat, un engagement, par rapport aussi peut-être à... oui, c'est peut-être par rapport aussi à une dette. Puisqu'ici, j'ai quand même la dépendance à des papiers. Donc, ça peut être par rapport à une dette aussi financière. En tout cas, par rapport à cela, ça peut être une procédure judiciaire également. Eh bien, là, soudain, vous avez une nouvelle. Peut-être que vous attendez depuis longtemps et vous ne l'espériez plus. Et là, ça vous tombe d'un coup. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Eh bien, c'est une nouvelle qui vous apporte la solution. Et donc par rapport à un litige et la paix, donc la bonne nouvelle. Donc au final, si vous étiez donc dans une de ces situations, eh bien le message il est clair. Ça y est, enfin, eh bien les choses vont aboutir et vous allez être soulagé puisque c'est la roue tourne dans votre sens. Alors bon mois de mars.